J'ai peur de te trouver minable. Qu'une nouvelle fois tu me déçois. Je crains quand j'accroche ton regard de n'y voir qu'une colonie de cafards. Chérie, ranime-moi, redors ton blason. Ton remonte à la ligne de flottaison. Dans bas la surface s'incline. Le ciel ondule comme les robes des filles. Vois sur la terre l'ombre des nuages. Il voyage vite, le vent s'essouffle. Allez faire partir, il y en a toujours qui arrivent. Qui arrivent. Chérie, élève-moi au-dessus du vide. Transporte-moi vers des terres torrides. Détruit les jours d'ennui au regard qui fuit. Chérie, donne-moi de l'espoir écrit. Plus fort que la tempête et ses pluies. Plus fort que le tonnerre, les tueries. Hurle-moi qu'on est toujours en vie. Vois sur la terre l'ombre des nuages. Voyage vite, le vent s'essouffle. Allez faire partir, il y en a toujours qui arrivent. Qui arrivent. Chérie, je te laisse à la béatitude. Ton cœur bat par habitude. Tu me déçois, tu éludes. Je te trouve tellement minable.